Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo. Bonjour, Canal Académie a le plaisir de vous proposer l'émission Éclairage qui donne la parole à l'ancien Premier ministre, actuellement coprésident de la Commission sur l'emprunt national français, Michel Rocard. Michel Rocard qui va nous démontrer que si nos sociétés avaient observé du point de vue de l'éthique les recommandations, les conseils en matière d'économie d'un grand réformateur du XVIe siècle, la crise financière et économique que nous traversons aujourd'hui n'aurait pas eu lieu. Ce grand réformateur, c'est Jean Calvin. Tout au long de cette année 2009, les 500 ans de la naissance de Jean Calvin ont été célébrés en Suisse et continuent d'être célébrés en Suisse, essentiellement à Genève, avec toutes sortes de manifestations, rencontres, colloques, débats, spectacles, théâtres, créations artistiques diverses et de façon beaucoup plus confidentielle en France, pourtant la patrie de Calvin. Canal Académie, tout au long de cette année 2009, vous a en effet proposé toute une série d'émissions consacrées à Jean Calvin, des émissions qui ont réuni devant les micros de Canal Académie de grands spécialistes de Calvin et de ce siècle de la Réforme. Jusqu'à présent et au cours des siècles passés, Calvin était essentiellement étudié à partir de son institution de la religion chrétienne, son maître-livre. Aujourd'hui, de récentes études sont menées à partir de ses sermons. Calvin en aurait prononcé plus de 3000. 1700 sermons de la part de Calvin ont été répertoriés jusqu'à ce jour. Ces récentes études ouvrent notre regard sur une image et sur une théologie de Jean Calvin différente de celle des siècles passés, loin des qualificatifs caricaturaux dont ses défenseurs l'ont entouré et des bien tristes noms d'oiseaux dont ses détracteurs l'ont affublé. Homme de la terreur, Père Robespierre, selon Balzac, sorte d'Hitler avant la lettre, chef d'une Gestapo des mœurs à Genève, selon Stefan Zweig, âme atroce dénoncée par Voltaire, docteur aigre flétri par Chateaubriand, Calvin le bilieux, le méchant, le tyran, l'hérétique, l'intolérant, le fanatique, l'ayatollah, le débauché coureur de jupons, le sodomite, l'ambitieux outrecuidant, arrogant, malin, vindicatif, etc., fleur de lys illuminée. C'est aujourd'hui un Jean Calvin soucieux de créer du lien social dans une époque secouée, bouleversée, en pleine renaissance, que nous découvrons grâce à ses récentes études. Pour lui, pour Calvin, la pauvreté est un scandale insupportable. Il place les riches, les possédants, devant leurs responsabilités, dans l'espoir et le but de former une société solidaire, vivant d'échanges, et une société dans laquelle chacun est appelé à donner et à recevoir. Ces récentes études ont montré d'ailleurs que les riches réfugiés de France ont aussi été associés à ce processus de partage avec les pauvres. Pour Calvin, l'humanité restaurée n'est pas individuelle, mais sociale. Tous les hommes sont créés égaux et faits les uns pour les autres. Et la violation de cette règle est un signe de péché, dit-il. Elle attire la colère de Dieu. Dans Genève, ville-refuge de 1536, qui voit sa population passer du simple au double, Calvin déclare dans un sermon sur le Deutéronome « Le Christ est la paix du monde entier et de tous ses habitants. C'est pourquoi nous devons vivre ensemble comme une famille de frères et sœurs que Christ a fondée au prix de son sang. » Attentif au spirituel, mais aussi à l'économie et au social de son siècle, Calvin va établir 7 règles de précaution à observer en matière de finances, en ce qui concerne le prêt, l'emprunt, des mesures qui, si elles avaient été observées de façon éthique dans notre monde de 2009, donc d'aujourd'hui, nous déclare Michel Rocard, ces mesures nous auraient peut-être évité de vivre la crise économique actuelle. Nous donnons la parole à Michel Rocard, ancien Premier ministre. Il me faut commencer par un aveu de loyauté. Je ne suis absolument pas un spécialiste de Calvin. Je me suis borné, sur une demande qui m'honorait, à écrire une préface et pour se faire à relire la totalité du gros ouvrage d'André Bieler sur l'œuvre économique et sociale de Calvin. C'est un ouvrage de 1953, republié à l'identique en 2000. En 1953, c'était une publication universitaire qui avait dû sortir à 1500 ou 2000 exemplaires, que peu de gens ont lu et que tout le monde a perdu. Et en plus, il a été traduit en anglais du même mouvement, donc il y a une vraie ressortie. Donc je n'ai pas vocation ni culture à me prononcer en général sur la vision du monde de Calvin, que je connais au fond mal, mais seulement sur le champ économique et social qu'il a couvert. À cet égard, il y a plusieurs rappels importants avant d'entrer dans le sujet. Le premier, c'est que quand même, il vit un bon siècle avant que commence ce qu'on va appeler le siècle des Lumières. Et donc, il faut faire attention à ce contexte culturel où l'essentiel de notre civilisation d'aujourd'hui découle des Lumières. Calvin, il est antécédent de plus d'un siècle. Ça se voit beaucoup dans certains archaïsmes, peut-être, de sa façon de penser. Beaucoup de gens ont dit qu'il était, on a tout dit, et même parfois un peu trop, le fondateur de la démocratie, s'il vous plaît, et le fondateur, sinon des droits de l'homme, du moins d'un meilleur respect de la liberté humaine. Il faut regarder de plus près dans tout ça. Je crois que le principal élément de l'entrée dans la vision que Calvin avait de l'organisation de la société, c'est la distinction entre le pasteur et le magistrat. Et au fond, c'est l'amorce de la laïcité. Calvin souligne, insiste beaucoup sur le fait qu'il est mauvais que le pasteur soit en même temps responsable des affaires séculières au jour le jour. Et d'ailleurs, lui-même n'a jamais été membre de la municipalité, moins encore président ou chef de la municipalité de Genève. Et le conseil pastoral qu'il présidait agissait par influence. Cette influence était immense, on l'écoutait beaucoup. Reste qu'il y a eu des conflits, des problèmes. Et c'est très différent de faire cette distinction. C'est déjà une première chose. La seconde, c'est que comme il récusait la prise en compte directe de la transcendance dans les affaires des hommes, il acceptait au fond la délibération des sachants, de ceux qui étaient des censeurs d'un savoir. Et si, bien sûr, il était monarchique, la souveraineté populaire est un concept qui est totalement étranger, qui ne va émerger que 2 ou 3 siècles après. Elle n'est pas chez lui. Mais ce qu'il a créé est une composante ecclésiale des institutions publiques dans laquelle on délibérait. Et il faut bien dire que tout de même, c'était très nouveau à l'époque, et c'est l'amorce d'un processus qui va, en élargissant sa base de légitimité, devenir la démocratie plus tard. Mais il ne faut pas confondre les mots, il faut respecter ça profondément. Ensuite, en effet, c'est vrai, Calvin avait un immense souci de la pauvreté. Il n'était pas le seul. La plupart des grands réformateurs ont eu ce souci de la pauvreté. Mais la différence majeure, on va la suivre tout de suite, entre Calvin et les autres grands réformateurs, c'est qu'il est le seul qui, pendant 20 années, sinon un peu davantage, je ne me souviens plus les dates exactes, a été en fait un gouvernant, fut par l'influence, mais comme son influence était dominante, il gouvernait. Ce qui l'a amené à prendre conscience de bien des choses, que ceux qui écrivent pour les sermons et dans une pensée liée simplement à leur relation avec les croyants, n'avaient pas toujours. Je crois que le plus important là, c'est la réhabilitation du travail. La reconnaissance de ce que l'humanité crée, sa manière de survivre par le travail, que de ce fait le travail a une noblesse, qu'il doit être reconnu, rémunéré, bien entendu. C'est à partir de la rémunération du travail que l'application du critère d'équité crée les suggestions qui doivent s'appliquer aux riches. Calvin, en effet, est très respectueux à ce titre de la création de richesse, puisqu'elle va bénéficier à tous, et il cherche à l'encourager. D'où sa prise de position absolument décisive, car là, il est le premier, c'est en 1545, je crois, à écrire dans une lettre à son ami Claude de Sachin cette fameuse distinction en ce qui concerne le prêt à intérêt. Le prêt à intérêt est interdit par l'Église catholique depuis l'origine des temps, et incidemment, elle est aussi plus ou moins dans la religion hébraïque, elle l'est aussi assez fermement même dans la religion musulmane. Donc les trois grandes religions monothéistes condamnent le fait que l'argent rapporte de l'argent, condamnent le prêt à intérêt. Mais Calvin gouvernant s'est bien aperçu qu'il fallait faire une différence. il y a le prêt que l'on consent pour répondre à une nécessité de consommation. Un peu la charité, au fond, mais une charité plus ample que cela est rendue nécessaire par une vision de solidarité, une charité à laquelle, d'une certaine façon, on n'échappe pas. C'est là que Calvin dit « tout intérêt serait scandaleux, c'est un prêt de solidarité, mais qui n'a pas vocation à faire lui-même de l'argent. » En revanche, pour créer une boulangerie, une épicerie, une échoppe, un artisanat, il faut commencer par acheter du terrain, faire une maison, acheter des outils et acheter même des produits avant de vendre quoi que ce soit. Et ça, ce n'est pas possible sans un peu d'argent. Et cet argent-là, celui-là, va servir à produire de la nouvelle richesse, ce qui n'est pas le cas du précédent. Et là, l'intérêt est légitime. Cette distinction est absolument fondamentale et tout le capitalisme va en sortir. Alors, il n'est pas lui-même créateur du capitalisme, c'est trop compliqué, c'est plus long que ça. Le capitalisme, en fait, c'est la superposition de l'économie de marché, dans laquelle on vit depuis 3 ou 4 000 ans à ce moment-là, avec la grande dimension, permise à la fois par la technique, machine à vapeur, faire travailler beaucoup d'hommes ensemble, puis l'électricité, et par la technique financière, la société anonyme, qui permet de grouper beaucoup d'épargnants ensemble. Le capitalisme, c'est ça. Mais c'est très frappant que son mécanisme de déblocage ait été le prêt à intérêt et que ce soit une invention de Calvin. Ça entraîne d'ailleurs des conséquences absolument majeures. J'en signale plusieurs au passage. La première, c'est que Calvin associait tout ça à une vision extrêmement ferme de la frugalité, de la mesure et du non-usage personnel de la richesse. Au fond, la richesse est faite pour être au service de la société tout entière. On a le droit de l'accumuler quand c'est dans un but productif, on n'a pas le droit de l'accumuler pour la consommer. Et c'est cette dérive qui nous met dans la crise d'aujourd'hui, crise par un excès de dépenses et une appropriation de part de richesse excessive par ceux qui sont bien placés dans la chaîne stratégique de production et surtout de la production des services d'argent. C'est donc un oubli du calvinisme qui fait la crise financière d'aujourd'hui. C'est tout de même intéressant à noter. Mais il y a des sous-notations intéressantes. Le capitalisme est né physiquement principalement et d'abord dans des régions d'influence calviniste, plutôt que luthérienne et moins encore catholique. Et ça, c'est fascinant. C'est une partie de la Scandinavie, le sud de la Scandinavie. C'est la Grande-Bretagne, bien sûr. Et c'est une partie de la Rhénanie, celle qui échappait à l'influence de Luther, y compris aux États-Unis, puisque sont calvinistes, par influence, les premiers pèlerins. Ça, c'est tout à fait passionnant. Et deuxième chose passionnante à relever, l'influence de Calvin est étrangère au pays où est née la grande banque, qui est née chez les Lombards en Italie, et dont le mode de structuration échappe aux consignes, aux orientations, aux recommandations, mais aussi aux sévères mises en garde de Calvin. Et 4 siècles et demi après, ce souvenir de ça n'est pas sans rapport avec la crise que nous vivons aussi. Tout ça est assez extraordinaire. Voilà donc comment Calvin est à l'origine de développements tout à fait considérables, mais il était sans pitié contre le gaspillage, contre l'usure bien sûr, contre le gaspillage, contre l'excès de consommation à usage personnel, etc. Et il aurait été absolument scandalisé de nos débats d'aujourd'hui, pas seulement sur la rémunération des traders de banque, mais sur l'âpreté des gens de finance à se payer beaucoup mieux que le reste de la planète. Nous sommes sortis de tout calvinisme, sa condamnation serait immédiate et totale. Nous allons retrouver Michel Rocard dans un instant. Au préalable, Marc Fessler, qui est pasteur et théologien, qui dirige le Centre protestant d'études de Genève, nous apporte ces quelques précisions. Marc Fessler souligne que Calvin n'est pas un démocrate. Calvin est encore monarchique dans son esprit. Il y a des riches, il y a des pauvres. Le souci de Calvin, c'est de rappeler aux riches qu'ils ont un premier devoir, secourir les pauvres, et après de construire la cité. C'est pour ça que la charité vient vraiment en premier. Et la construction de la cité, alors, doit se faire selon la justice. Calvin apparaît à un moment de ce siècle où une distinction va émerger dans le milieu économique de son époque. Une différenciation entre le prêt de consommation, qu'on utilise immédiatement pour ses besoins, et le prêt de production, qui est un investissement, par exemple, pour créer une armada qui va aller aux Amériques et qui va rapporter de l'or. Calvin va reprendre cette distinction, mais sous une autre forme. Il va parler du prêt de secours et du prêt d'entreprise. Pour Calvin, le prêt de secours, c'est ce qu'on doit à tout un chacun qui est dans la nécessité et qu'il faut aider au nom de la charité. Mais on n'en attendra aucun retour d'intérêt. Peut-être le remboursement de la somme prêtée, mais c'est tout. Le prêt d'entreprise, c'est autre chose. C'est un prêt qui vise à rendre l'argent utile, mais dans une entreprise, pas pour la consommation. C'est donc pour créer de la richesse nouvelle et pour créer des liens nouveaux, économiques et commerciaux. Alors, Calvin, en tant que juriste, et c'est ça qui fait sa grandeur, et c'est ce que nous devons lui reconnaître, proclame Marc Fessler, c'est en tant que juriste, il a tout de suite vu que la nouveauté était, en ce siècle de famine, de dureté de la vie, que l'argent ne reste pas oisif dans un coffre, que l'argent devait être utilisé pour des choses plus utiles que des parures, que des ornements, que des bijoux. L'argent doit circuler, doit être utile. Mais, par ailleurs, Calvin voit aussi le danger. Il dit que ça ouvre la porte à la licence effrénée. Il va donc essayer de prévenir cette licence effrénée en établissant 7 règles de précaution à observer à l'intention de tous ses contemporains, 7 précautions d'emploi en matière de prêt et d'emprunt. Et c'est justement ces 7 précautions que Marc Fessler se propose de vous exposer maintenant. Calvin dit d'abord, il faut exercer en premier la charité, et après, s'il vous reste quelque chose, vous pouvez prêter pour un prêt sûr qui vous sera remboursé. C'est-à-dire qu'il inverse, vous voyez, ça c'est extraordinaire. D'abord la charité, ensuite vous faites des affaires. Deuxièmement, le prêt à quelqu'un de pauvre ne peut être qu'un prêt de secours. Donc vous n'avez pas le droit d'exploiter celui qui est en difficulté. C'est un point quand même essentiel. Troisièmement, il faut appliquer la règle d'or du serment sur la montagne. Ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Quatrièmement, le prêt doit permettre un investissement où le débiteur gagne suffisamment pour pouvoir rembourser les intérêts et peut-être le prêt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le prêteur doit être partie prenante de l'affaire pour laquelle il prête de l'argent. Ça n'est pas anonyme, ça n'est pas un flux de capitaux, c'est un investissement dans une affaire dont on se préoccupe. Et cinquièmement, ce qui est permis juridiquement par les lois d'un pays n'est pas toujours forcément souhaitable. C'est-à-dire qu'il faut agir en gardant la finalité spirituelle de l'acte qu'on fait en prêtant et pas simplement d'utiliser les lois, les meilleures naturellement, de tel pays ou de tel autre. Vous voyez quelle actualité extraordinaire cela a. Et enfin, chose extrêmement nouvelle pour l'époque, Calvin voit, bien sûr, il n'objective pas l'ordre économique, il n'a pas encore une vision, vous voyez, marxiste du monde, mais il voit que le prêt à intérêt, à cause de son taux, influence l'ordre économique de la cité. Et que un taux haut ou bas, n'est-ce pas, a des conséquences. Et il soumet ça au jugement de celui qui prête. Et enfin, septième et dernière recommandation, il dit qu'il faut fixer le taux d'intérêt en fonction de l'équité et pas seulement en fonction, au fond, de la situation des forces sociales qui font que les taux montent ou descendent. Moi, je trouve d'une actualité absolument renversante cette manière d'avoir pris à bras-le-corps un problème économique qui se posait au XVIe siècle, où il ne fallait pas retenir l'avancée du commerce, des rapports sociaux, et ne pas laisser des richesses inutilisées alors qu'elles pouvaient l'être pour le bien social, mais deuxièmement, faire que ce soit vraiment pour le bien social. Thank you. Nous remercions Marc Fessler, qui dirige donc le Centre protestant d'études de Genève, pour ses précisions sur les 7 règles de précaution à observer, 7 règles de précaution établies par Jean Calvin. Et nous retrouvons tout de suite Michel Rocard, qui va conclure cet éclairage en nous confiant une anecdote au sujet de Jean Calvin. Jean Calvin qui intervient dans le dialogue social au sujet d'une grève générale des imprimeurs sur la place de Genève. Il y a un autre point très remarquable, c'est que l'économie marchande qui se développait du temps de Calvin était brutale. Et les systèmes de commandement étaient féodaux, enfin très, très liés à une vision royale. Et les décisions de fixation de prix ou de rémunération étaient en général prises par ceux qui avaient le pouvoir réel, sans discuter quoi que ce soit. Or, Calvin considérait que le niveau des salaires devait être équitable, qu'il y avait une légitimité. Il a même écrit quelque part, de manière très nette, que ni le minimum légal ou réglementaire ou coutumier, enfin, ni non plus certains excès n'étaient légitimes. Et devant tout conflit social, parce que nous sommes en pleine renaissance, au fond, les conflits sociaux, les demandes de meilleurs salaires se multipliaient, avec souvent des réponses très brutales et faites de répression. Et notamment, il y a eu, dans les premiers temps de la présence de Calvin à Genève, une grande crise dans l'imprimerie. Les typos, les travailleurs de l'imprimerie, sentaient bien que tout ouvrier qu'ils étaient, tout payés comme des salariés, avec des salaires de salariés plutôt pauvres, ils étaient le fer de lance de l'intelligence du monde. Et ils étaient les conducteurs de son développement, ils le savaient. Et puis en plus, la pauvreté générale étant telle, ils avaient envie d'un peu d'en sortir avec une situation stratégique qui le légitimait. Et du coup, je ne sais plus très bien dater, mais c'est dans la première décennie de Calvin, président du conseil pastoral de Genève, éclate, le vocabulaire d'aujourd'hui dirait, une grève générale des imprimeries dans toute l'Europe occidentale. C'est un peu beaucoup, mais enfin éclate une simultanéité de grèves ponctuelles dans 40 ou 50 établissements d'imprimerie, c'est un drame. Calvin est au conseil presbytéral, c'est-à-dire pas à l'administration municipale de Genève, mais on l'écoute, on le consulte, etc. Lui-même reçoit, y compris, il n'y a pas encore délégué syndicaux, des représentants des imprimeurs, et en fait, il est le chef d'orchestre d'une négociation à Genève qui améliore un peu les salaires de l'imprimerie et qui fait de Genève un coin tranquille où il n'y aura pas de crise ni de grève sociale dans l'imprimerie de Genève, grâce à son intervention, dont l'argument est fondé sur l'équité, bien entendu. Et le résultat est un formidable avantage économique comparatif, puisque Genève va être la seule ville à avoir des imprimeries qui marchent pendant au moins 4 ou 5 ans, récupérant du travail à faire un peu partout dans le reste de l'Europe occidentale. C'est une très belle histoire. Et c'est une histoire qui est aussi une des formes d'ouverture du dialogue social, et qui montre donc que la conception, au fond, centralisé du pouvoir par un héritage culturel de son époque, de Calvin, est compatible avec une meilleure écoute et une prise de considération du chrétien de base, jusque dans ses intérêts économiques. Cette négociation sur l'imprimerie est une avancée tout à fait considérable.